Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Gameozo pour l'émission La parole est à vous. Alors, un magazine juridique. Bonjour. Bonsoir, Michel. Nancy. Bonsoir Michel. Merci de ta présence. Voilà, puisqu'on a décidé maintenant de faire ensemble, pendant une fois par mois, voilà, une émission qui est portée sur le juridique. Oui. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très important, hein, qui est le droit des enfants. C'est ça. Voilà. Alors, j'ai vu que tu avais préparé plein de notes. on va peut-être parler en début de la convention, ça s'appelle comme ça, Convention internationale des droits de l'enfant. Oui. Hein, je crois qu'il faut quand même rappeler certaines choses, parce que, je dirais de manière anecdotique, à un moment donné, je voyais sur BFM TV... le président Macron se pavanait un petit peu en disant bah, on accueille, je ne sais plus, 5 ou 10 ou 20 enfants de Syrie, mais enfin la convention internationale fait une obligation aux États qui ont signé cette convention, donc d'accueillir les enfants comme ça, qui sont de nationalité. Oui, on va faire célébrer les 40 ans en fait de cette convention internationale des droits de l'enfant. C'est quand date les 40 ans? Le 20 novembre 89, elle a été donc signée. Ah oui, alors donc ratifiée. C'est tombé. Donc on est dans l'anniversaire des 40 ans de cette convention internationale des droits de l'enfant, qui est en fait l'aboutissement de pas mal de choses, hein, puisqu'il y avait eu des principes qui avaient été déjà établis au fil des années, notamment en 59 déjà, il y avait eu 10 principes de protection des droits de l'enfant que je pourrais sous l'égide de l'ONU. Oui, tout à fait. Donc, on pouvait déjà amorcer cette convention qui a abouti à ce texte qui consiste en fait en une trentaine, à peu près, même plus, une quarantaine d'articles qui permettent justement de fixer les droits civils, politiques, économiques, sociaux, moraux, on va dire, des droits des enfants dans le monde. En tout cas pour les États qui l'ont signé, ratifié et qui l'appliquent, bien sûr. Hein. Donc c'est vrai que c'est une convention qui est foisonnante puisqu'elle elle permet, en fait, comme tu disais, de fixer certaines choses, notamment en matière de conflits armés et d'accueil des enfants pour préserver leur sécurité. On a aussi tout ce qui est... droit d'expression des enfants, on a tout ce qui est droit à la vie, droit à la santé, droit à la sécurité. Donc il y a pas mal de... À l'éducation. À l'éducation aussi. On a aussi tout ce qui est lié au handicap, à la maladie, au handicap. Le droit à la vie privée, on a tout ce qui concerne également la religion, la liberté de conscience, la liberté, je l'ai dit, d'expression. Évidemment, le travail, l'interdiction du travail des enfants, puisque ça a été les premières lois, en réalité. À quel âge? 14 ans. Alors, ça dépend, en fait. Parce que ça dépend des États. Ça dépend des États, mais le travail des enfants, en fait, si on remonte... Alors, j'avais préparé un petit historique, mais ça va être un petit peu fastidieux. En fait, on a eu plusieurs... lois qui ont interdit, notamment en 1841 déjà, hein, c'est quand même assez ancien, on avait une loi qui interdisait le travail des enfants dans les manufactures, pardon. Donc c'était limité aux usines et le travail était interdit pour les enfants de moins de 8 ans. En revanche, on limitait à 8 heures par jour, ce qui est énorme, le travail des enfants au-delà de 8 ans. On interdisait le travail de nuit pour les enfants de moins de 13 ans. Donc ça, c'était fin du 19e. Ensuite, en 1892, on a interdit le travail pour les enfants de moins de 13 ans et on a limité la journée à 10 heures pour les enfants au-delà de 13 ans, mais ce qui est encore énorme aussi. Et puis, on a eu, à la fin du 19e siècle, d'autres lois, notamment, qui ont permis d'interdire le travail des enfants de façon systématique. Et ensuite, le droit international a pris le relais, transposé ou pas dans les droits nationaux. Et on a la déclaration de Genève. Excuse-moi. Oui. Il y a une obligation de transposer un droit national à partir du moment que tu signes la convention ou pas? Alors, il faut signer, ratifier la convention, c'est-à-dire s'engager à la respecter. Dans la pyramide des lois, notamment en France, les traités internationaux, les conventions internationales sont supérieurs, bien évidemment, ont une valeur juridique supérieure au droit national. Dans certaines directives, il faut en plus, notamment des directives européennes, qu'il y ait une loi de transposition pour qu'elle soit applicable. Donc, même si ce n'est pas transposé, parce que ce n'est pas systématiquement le mécanisme juridique qui est imposé par le traité ou la convention internationale, en réalité, ce document juridique a une valeur supérieure. Donc, normalement, notre arsenal juridique national doit y être conforme. Donc, ça a quand même une valeur contraignante et... d'obligation de conformité, même si ce n'est pas une obligation systématique, ça dépend des textes. Il n'y a pas de mesure de coercition. Non, sauf la désapprobation internationale. C'est vrai Bien sûr. Quand on a rédigé un traité international et qu'on le viole allègrement au niveau national, c'est clair qu'on se fait taper sur les doigts, en principe, par la communauté internationale. Je crois que pratiquement la grande majorité des États à travers le monde ont ratifié cette convention. Oui, mais par contre, il y a des États comme très importants comme les États-Unis, la Chine et la Syrie en fait. Les États-Unis, j'avais noté, il y a quelques. Les États-Unis, c'est vrai que c'est très surprenant. C'est vrai que un État comme celui-ci aurait dû ratifier et appliquer. Donc je ne sais plus. J'avais noté la Somalie, pardon, ne l'a pas signée non plus. Bon, ça, c'est peut-être pour d'autres raisons. La Palestine ne l'a pas signé, ne l'a pas ratifié. Après, chacun reste souverain. Hein. On ne peut pas non plus, comme tu disais, contraindre les États. Mais ça fait partie des chartes de bonne volonté. Et du coup... C'est un engagement moral. C'est un engagement, j'irais plus que moral, parce qu'effectivement, il y a quand même justement cette pression internationale, surtout sur un sujet comme les droits des enfants. C'est quand même un sujet qui est fondamental et qui est universel dans chaque État, puisqu'il y a des enfants partout à protéger et à éduquer. Donc, pour reprendre juste rapidement mon petit historique, j'avais noté que... On avait déjà la Déclaration des droits de l'enfant le 1er septembre 1924. C'est ce qu'on appelle la Déclaration de Genève. 1947, c'est la date de création de l'UNICEF. L'UNICEF qui fait quand même beaucoup dans le monde avec ses ambassadeurs et qui est quand même reconnu. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc de 48, hein, je parle de celle de 48, qui a commencé à consacrer le fait que l'enfance avait droit à un traitement spécial, c'est-à-dire à une aide spéciale, une protection particulière. Et du coup, c'était aussi une avancée en 48, puisque voilà. Et puis après, donc, c'est ce que je disais avec les principes, ce que j'appelle les principes de 59. En fait, c'est l'Assemblée des Nations Unies qui a adopté la Déclaration des droits de l'enfant. Effectivement, au départ, il n'y avait pas de valeur contraignante, mais il y avait une liste de principes. Qui était principe de non-discrimination, qui était l'intérêt supérieur de l'enfant, mais on y reviendra parce que cette notion est toujours d'actualité et très importante. Droit à une alimentation, à un logement, à des soins médicaux appropriés. On a, alors je ne vais pas tout citer, hein, mais le droit à l'éducation gratuite et aux activités récréatives, droit à une protection contre toute forme de cruauté, de négligence et d'exploitation. Voilà, pour les, il y en avait une dizaine. Et puis donc après, 1979, donc on se rapproche, a été déclaré en France, enfin dans le monde, pardon, année internationale de l'enfance. Donc là, on a commencé à communiquer davantage, à faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience sur la nécessité de protéger les enfants. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on avait fait des émissions spéciales de La parole est à vous. À cette époque-là. C'est vrai. Bah, je pense que ça a eu un assez grand retentissement parce que, bien évidemment, dans ce genre de, on va dire, de problématiques ou de sujets, non seulement il faut avoir l'arsenal juridique pour protéger, mais ensuite il faut parler, communiquer, expliquer, dialoguer et faire en sorte que la prise de conscience et le changement de mentalité se fassent aussi par le biais des médias, notamment, puisque ça a une vertu pédagogique et une vertu d'explication. Et puis ensuite, donc c'est la fameuse, 10 ans après, hein, 20 novembre 89, c'est ce qu'on appelle la résolution donc 44-25, Convention internationale des droits de l'homme, où là on consacre véritablement la notion d'intérêt supérieur de l'enfant, qui devient un peu le prisme par lequel on regarde toutes les situations concernant les enfants. Et cette convention donc, est entrée en vigueur le 7 septembre 90. Il fallait qu'il y ait 20 États membres qu'il ait ratifié pour qu'elle puisse rentrer en vigueur. Et puis en 91, le comité des droits de l'enfant a été créé. Donc c'est un comité essentiellement consultatif, mais qui a une autorité morale importante quand même. Qui regroupe des ONG c'est une émanation en fait avec des représentants des États, voilà, pour permettre en réalité de faire appliquer ces conventions et d'avoir un organe qui permet un petit peu de surveiller aussi et de rapporter l'application de cette convention. Est-ce que les ONG ont un droit d'expression dans ce type de... Alors, la composition du comité, je dirais des bêtises. J'ai pas relu exactement la composition. En revanche, il est clair que des entreprises, des ONG comme l'UNICEF ou d'autres associations font un travail formidable et ont aussi une autorité morale et légitime qui fait qu'elles font pression aussi pour que les États membres soient conformes à ce qu'ils ont signé. Elles soient utiles parce qu'elles agissent sur le terrain et souvent peuvent dénoncer justement ces violations qui sont malheureusement nombreuses, surtout en cas de conflit armé. Bien sûr, elles sont sur le terrain, elles sont aussi donc le médiateur, le porte-parole et puis les grands témoins de ce qui se passe. Donc bien évidemment, elles sont importantes, notamment dans les conflits armés, mais également dans des situations d'exil, de déplacement de population ou tout simplement de situation de famine. Oui, il y a eu des dénonciations, par exemple, aux États-Unis par rapport qu'on séparait des enfants de leurs parents. À certains quand moments, du Mexique, dans le cadre de migration. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Les ONG... Ça existe aussi en France, dans certains centres de rétention où véritablement, où on sépare, où il y a de toute façon, ces enfants-là ne devraient pas être non plus. Ils devraient rester avec leurs parents, mais ils ne devraient pas non plus être dans un centre de rétention qui est quand même une forme de, comment on pourrait dire, d'enfermement. Alors c'est complexe les migrations parce qu'il y a aussi des parents qui, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, mais vendent leurs enfants en imaginant qu'en allant en Occident ou dans des pays dits civilisés, en tout cas plus riches, trouveront un avenir meilleur. Donc le regroupement familial ou le lien avec les parents, il est déjà rompu par les parents qui ont l'impression de donner à leurs enfants une chance de plus. Le problème, ça rappelle un peu au niveau français un roman de Maupassant. Alors lequel ? Ah, je sais plus le titre, mais justement où il y avait entre une famille riche qui n'avait pas d'enfants, des parents pauvres qui vendaient leurs enfants. Ça se passe dans certains pays d'Amérique latine qui concrètement envoient les enfants ou d'Afrique, donc ça c'est vrai que c'est, mais la situation, c'est vrai qu'on peut pas trancher, c'est très compliqué, les origines sont multiples. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'enfant doit avoir droit à sa protection, et c'est aux adultes et c'est aux institutions et c'est aux États de mettre en œuvre cette protection, puisque par définition lui étant enfant est plus vulnérable et peut être une victime potentielle de tas de choses. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de rappeler cette Convention internationale des droits de l'enfant, et c'est important surtout de la mettre en œuvre au quotidien, je dirais, puisque la célébrer, c'est une chose. Y compris en France. Mais y compris en France, bien évidemment. Parce que bien sûr, il y a des lacunes. Il y a des lacunes, et puis on voit très bien que... Voilà... Non, je me permets juste une petite remarque par rapport à ce que tu dis sur Maupassant. Tu vois, ça serait pas la nouvelle Auchan que tu parles ? Je sais plus. Il me semble que c'est dans le cadre d'une nouvelle qui a écrit Maupassant. C'est ça, c'est la nouvelle Auchan. C'est les... Au 19e siècle. C'est la nouvelle Auchan, en fait. Il y a deux familles pauvres, dont sans enfants, qui veulent adopter un enfant d'une famille riche, du coup. Et donc, c'est la famille riche qui vend son enfant. Donc, voilà. c'est bien la nouvelle Auchan. D'accord. Merci. Ouais, tu vois, t'es plus littéraire que moi, tu connais mieux. Ah, j'ai fait des études littéraires, donc. C'est ta formation. Bah oui, donc voilà. Voilà. Ça aide. Merci. On a oublié de faire un petit coucou à Christopher qui assure aujourd'hui la technique de l'émission. Tu m'excuseras, Christopher. Je t'avais oublié. Non, je t'avais pas oublié. Non, c'est pas grave. Tu risques pas de nous oublier. Hein, ah bah non, il faut pas. Derrière les manettes. Voilà. Merci pour cette précision. Merci. Voilà, tu voulais, je te laisse poursuivre. Non, en fait, voilà, j'avais fait cette petite rétrospective, puisque à partir du moment où on prend un texte fondateur, en tout cas un texte marquant, il faut aussi, je pense, reprendre la Genèse. Et puis au-delà de la Genèse, aujourd'hui, voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est clair qu'il y a des enfants maltraités, il y a des enfants, on le voit tous les jours dans les tribunaux, le juge des enfants ne chôme pas. Il y a beaucoup de situations compliquées, alors ça va de la maltraitance physique, morale, privation de soins, à des enfants qui sont en conflit de loyauté, notamment dans les cas de séparation des parents ou des cas justement d'enfants malades, d'enfants qui aujourd'hui sont obligés de suivre leur scolarité par le biais justement de tablettes ou d'ordinateurs à l'hôpital. Et c'est vrai que je voudrais saluer le courage de ces enfants et de leurs familles. D'ailleurs, il y a pas mal de choses qui sont faites aussi. Bon, alors le regroupement familial, c'est une autre notion juridique, mais quand on parle des parents à l'hôpital, je crois que c'est aussi très important aujourd'hui que des enfants puissent être accompagnés de leurs parents. Tout simplement parce que ça les rassure et que ça, c'est déjà un pas vers la voie de la guérison. Et je voudrais ne pas oublier ces enfants qui soit sont malades, soit ont un handicap, soit se battent tous les jours. On doit se battre tous les jours, tous, mais eux deux fois plus. Et puis des associations qui militent justement pour que ces enfants puissent avoir accès à l'éducation, à la culture. Tout à fait. Ou des associations qui apportent des clowns à l'hôpital ou qui permettent de dédramatiser la situation pour justement aider aussi les soignants parce que l'espoir, le moral... alors, je ne suis pas médecin, mais je crois que ça contribue beaucoup à la guérison et au rétablissement quand c'est possible ou en tout cas à vivre mieux la maladie ou le handicap. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à ces enfants handicapés et malade qui nous démontre tous les jours que le courage, c'est pas un vain mot et eux, ils l'appliquent au quotidien. Bien sûr, bien sûr. Puis rendre hommage, je le disais, à ces associations qui vont militer justement dans le milieu hospitalier, mm-hmm. pas seulement, mm-hmm. Pour que justement rendre la vie quand même plus facile, plus facile mm-hmm. à ces enfants, mm-hmm. puis leur redonner un petit peu de morale et de courage à affronter la maladie. C'est clair. Et aux médecins, aux praticiens, aux médecins qui font un travail formidable aussi. Les pédiatres qui peuvent intervenir, mmh. etc. Mmh. Les psychologues. Tu me donnes une idée. On pourrait peut-être consacrer une émission qui serait de nature juridique en collaboration avec le magazine Santé, peut-être. Pourquoi pas ? Ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas redévelopper ça ? Au cours de l'année... Allez. 2020. Oui, l'approche, elle est bientôt. On approche. Voilà, je voudrais quand même revenir sur la notion quand même de regroupement familial. Mm-hmm. On va peut-être s'accorder une pause musicale avant, puisque tu as choisi. Alors, j'ai choisi Cadeau de Marie Laforêt. Elle nous a quittés il y a très peu de temps. Et je trouve que cette chanson est assez poignante sur l'amour d'une mère par rapport à son enfant. Ouais, ça me rappellera ma jeunesse. La mienne aussi, parce que Marie Laforêt, elle a bercé mon enfance. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Non, elle a bercé mon enfance. Je pense que quand Marie Laforêt chantait, t'étais en compagnie. Peut-être au début, mais après je l'ai entendu aussi et j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Merci Nancy, merci Christopher. Hier soir dans la cuisine, je préparais le dîner. Quand mon petit garçon est entré. Il m'a tendu un morceau de papier griffonné. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. Je l'ai lu. Et voici ce qu'il disait. Pour avoir fait mon lit toute la semaine, 3 francs. Pour avoir été aux commissions, 1 franc. Pour avoir surveillé le bébé pendant que toi tu allais aux commissions, 1 franc 25. Pour avoir descendu la corbeille à papier, 75 centimes. Pour avoir remonté la corbeille à papier, 1 franc et 10 centimes. Pour avoir arrosé les fleurs sur le balcon, 25 centimes. Total, 9 francs et 85 centimes. Je l'ai regardé. Il se tortillait en mâchant son crayon. Et une foule de souvenirs sont revenus à ma mémoire. Alors j'ai pris son crayon, j'ai retourné la feuille. Et voilà ce que j'ai écrit. Pour 9 mois de patience et 12 heures. Cadeau, cadeau. Pour les tours de manège, les jouets, le collège, cadeau. Et quand on fait le tout, le total de mon amour, c'est cadeau. Quand il a eu fini de lire, il avait un gros chagrin dans les yeux. Il a levé la tête et a dit: Maman, je t'aime très beaucoup. Il a repris son papier, l'a retourné, et en grosses, grosses lettres, a marqué: cadeau. Et quand on fait le tout, le total de l'amour, c'est cadeau. Voilà, c'était Marie Laforêt, hein, le choix de notre partenaire hein, maintenant. Donc, Nancy, docteur en droit à Épinal. Voilà, avocate à Épinal. Oui. Hein, et on parle bien sûr du droit des enfants. Mm-hmm. Hein, de manière générique, bien sûr, on a abordé tout ce chapitre de la Convention internationale des droits de l'enfant. Oui. On n'a pas détaillé parce que ça serait trop fastidieux, hein, comme tu le soulignais. Ben, je ne voudrais pas lasser l'auditoire en prenant article par article, mais cette convention est assez dense et traite, on va dire, d'un panel de sujets importants. Alors, il y a des drames quand même qui existent dans certains pays du monde, et puis même en France, hein, de séparation des familles. Mmh. Séparation des familles. Comment les droits de l'enfant sont orchestrés dans... Respectés. En fait, on a deux articles dans la Convention internationale donc des droits de l'enfant. Ce sont les articles 9 et 10. L'article 9 fonde le principe en fait, du regroupement familial. Puisqu'il indique dans son alinéa premier, les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Donc, on rappelle justement que cette séparation... Alors, je ne vais pas tout lire, mais on reprend toujours cette idée d'intérêt supérieur de l'enfant pour que, justement, on ne puisse pas séparer les parents des enfants contre leur gré. Alors, l'article 10 va plus loin en disant, alors je lis quand même pour que ce soit cohérent, conformément à l'obligation incombant aux États parties, donc en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, c'est celui que je viens de lire, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État parti ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les trois principes fondateurs, c'est esprit positif, humanité et diligence. Ça, c'est l'obligation qui est faite aux États membres. Les États parties veillent, en outre, à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. Donc, en cas de migration, en cas de déplacement, effectivement, les États membres ont cette obligation de valider les demandes de regroupement familial à ce titre-là. Donc, de mettre tout en œuvre pour que la famille ne soit pas séparée. Et pourtant, il y a des législations nationales, y compris en France, qui sont très ambiguës par rapport à ça. Bon, on ne parle pas des États-Unis, puisque de toute façon, les États-Unis ne sont pas soumis. Non signataire de cette convention internationale. Oui. La Chine, on n'en parle pas parce qu'aujourd'hui, il y a même par rapport à certaines populations où on arrache les enfants, aux familles pour les placer directement parce que les parents professent une religion musulmane, par exemple. Hein. Mm-hmm. Il y a toute une population qui est marginalisée aujourd'hui en Chine. Mm-hmm. Hein, dont on parle peu, mais malheureusement, c'est les enfants qui trinquent aujourd'hui. Bah souvent, les enfants sont les premières victimes, institutions. Ils sont sans défense. Arrachés à leurs parents. Bien sûr. Et c'est vrai que, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on parle beaucoup des violences faites aux femmes, mais c'est très bien d'en parler, de lutter, bien sûr. Mais moi, je voudrais insister... Et puis, de toute façon, automatiquement un problème avec les enfants. S'il y a des violences vis-à-vis c'est des clair, femmes, c'est les clair. Mères... Mais il ne faut pas oublier qu'un enfant qui est maltraité, qui est violenté, qui est violé, qui est privé de soins, n'a même pas l'accès... alors si, il y a les numéros d'enfance maltraitée, mais l'enfant est complètement otage de situations créées souvent par les adultes, malheureusement. Et c'est vrai que là aussi, il faudrait... permettre aux enfants, c'est de plus en plus le cas, hein, d'avoir des espaces de parole, d'avoir des espaces où ils peuvent exprimer, parce qu'un enfant ne s'exprimera forcément pas comme un adulte. Il y a des tas de choses qu'il cache, il y a des tas de choses pour lesquelles il n'a pas les mots non plus pour s'exprimer. Or, certains enfants vivent des situations dramatiques au sein même de leur famille. Ou dans des environnements, on a parlé là récemment du harcèlement à l'école, ça peut être très très très violent, c'est aussi une forme... Il y a en ce moment une campagne de lutte contre le harcèlement à l'école et contre le cyberharcèlement. On a vu les dégâts qui ont été faits, notamment jusqu'à des suicides d'enfants ou d'adolescents. On a des... Surtout vis-à-vis des filles, quoi. Oh, je crois que, je ne sais pas si c'est, alors les statistiques je ne connais pas, mais je crois que même les garçons sont victimes parfois de jeux, de défis morbides, de jeux dramatiques et dangereux, avec du chantage, avec de la pression, avec du racket, avec tout ce qu'on peut voir. Donc aujourd'hui ça existe encore dans les écoles, alors c'est vrai que cette campagne d'information est importante, mais je crois que c'est la vigilance de chacun au quotidien qui fait que ne pas hésiter à dénoncer une situation qui paraît difficile, plutôt parler que de se taire. Est-ce que dans ton cadre professionnel, tu as vécu des... Bien sûr, bien sûr. Que ce soit devant le juge des enfants, notamment, puisqu'en général, quand il y a un signalement au parquet, au procureur, un juge des enfants est saisi d'une situation, donc d'un enfant en danger, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, avec des mesures d'accompagnement. Ça peut être de l'assistance éducative à domicile, ça c'est une mesure plus administrative, l'assistance éducative en milieu ouvert, et ça peut aller jusqu'au placement de l'enfant. Là aussi, alors, c'est vrai qu'il faut voir les notions... Et par rapport au harcèlement qui peut exister, par exemple, à l'école? Alors, le harcèlement à l'école, le problème, c'est le dépistage. Parce que les enfants... alors, soit le milieu enseignant s'en rend compte, soit la famille finit par s'en rendre compte, parce que là, les signes, mais ça veut dire que c'est déjà bien avancé. Parce qu'il y a beaucoup d'omerta. Bien sûr, il y a des peurs de représailles. Et puis, il y a aussi, avec le cyberharcèlement, une sorte d'isolement de l'enfant. L'enfant ou l'adolescent qui va dans sa chambre, on ne sait pas ce qu'il fait sur son ordinateur. Il peut y avoir des mesures de contrôle parental, mais il n'y a pas que ça. Et les enfants sont aussi harcelés jusque dans leur chambre, jusque chez eux, quoi, hein. Donc là, c'est vrai que... Alors, c'est déjà dépister, ça concerne beaucoup faire plus parler. Des ados ou des pré-ados. Mais souvent. De plus en plus jeunes. J'ai l'impression que de plus en plus jeunes. Avant, on parlait des 13-16 ans. Maintenant, on parle des fois des 9-12 ans. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un fléau qui est insidieux, pas comme beaucoup de fléaux souvent, mais avec, comme tu disais, l'omerta, le problème de dépistage, le problème de négation aussi, parce que l'enfant qui se sent harcelé a aussi une sorte de culpabilité en disant bah, c'est que je suis trop fragile, c'est que je fais pas ce qu'il faut, c'est que... Donc il n'osera pas parler, parce que le fait de parler, il se positionne encore, il est déjà victime de ces faits, et en plus, il se positionne en, bah, oui, effectivement, je n'arrive pas à lutter contre ça. Le phénomène de rançonnage, comme on peut dire, de rançons, d'autres existent quand même depuis de nombreuses années et malheureusement continue aussi, c'est-à-dire que c'est souvent que des défis. Des plus grands, oui. Des plus grands obtiennent... Oui, avec des menaces et des pressions sur la famille, avec des menaces qui peuvent aller très très loin, hein, même de violence ou de mort. Donc c'est vrai que c'est important. Il y a aussi tout le phénomène, on n'en parle pas beaucoup, mais de dérive sectaire. À l'adolescence, les enfants sont quand même fragiles, se cherchent, il y a un problème d'identité, il y a un problème de savoir qui on est, ce qu'on va devenir, comment on veut faire pour intégrer le monde ou parfois le bouleverser, le révolutionner. Donc, il y a une période fragile où là, il y a des gens qui en profitent. Quels acteurs peuvent intervenir ? Moi, je crois que... Enfin, c'est peut-être un petit peu conservateur ce que je dis, mais c'est surtout les parents, au départ. Des parents attentifs peuvent je pense, déjà diagnostiquer que leur enfant va mal. Alors, il y a les signes, l'école avec les résultats qui s'effondrent, de l'anorexie, de la boulimie, de la dépression. Certains ne se lavent plus, certains ne s'habillent qu'en noir ou ne s'habillent qu'en, n'ont plus le plaisir de renvoyer une image positive d'eux-mêmes parce qu'ils ont perdu complètement confiance en eux. Donc déjà, la sphère familiale, au sens large, les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, enfin voilà. Après, je pense que le milieu enseignant peut aussi, lui, être attentif, et il le fait, hein, mais alors c'est sûr que c'est pas toujours évident, puisqu'il y a la crise de l'adolescence qui masque aussi certains symptômes, mais un enfant qui est en souffrance, un adolescent qui est en souffrance, on le voit aussi, il va être plus mutique, il va se renfermer, il va s'isoler, il va... Bon. Et après, c'est que la parole, hein. Je crois que c'est oser mettre les pieds dans le plat, alors certains osent, d'autres moins, c'est délicat, hein, c'est pas évident, mais mettre les pieds dans le plat, en se demandant que se passe-t-il ? Et pareil pour des enfants sous l'emprise de gourous ou de gens qui leur font du chantage ou de gens qui essayent de les attraire dans des courants, quels qu'ils soient, hein, pseudo-philosophiques ou religieux. Parce que bon, on peut parler aussi des enfants qui sont endoctrinés. Hein, ça aussi, c'est un événement de plus en plus important. La pédophilie. La pédophilie, là aussi, il y a une omerta énorme. Et c'est vrai que la pédophilie, c'est un... Alors, sous le terme pédophilie, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que ce sont aussi des délits, hein, et voire des crimes, hein, puisque la pédophilie, ça peut aller assez loin. Et c'est vrai que là aussi, c'est la parole. Je crois que c'est que la parole qui doit être déliée pour que les enfants s'autorisent à exprimer la souffrance et les violences qu'ils ont au quotidien. Alors justement, parle-nous un petit peu des moyens que peuvent avoir les enfants justement pour s'exprimer. Alors les enfants, ils ont plusieurs moyens. Une filière, quoi. Pas toujours facile. C'est vrai je pense qu'il faut, alors s'ils peuvent se confier à leurs parents ou à leur entourage familial, déjà c'est la première chose, c'est-à-dire s'ouvrir sans tabou, sans avoir peur du ridicule, sans avoir... Mais il faut aussi que les adultes les écoutent, hein, parce que c'est... Et avec du... les difficultés qu'il peut y avoir de famille recomposée. Il peut y avoir des difficultés de famille recomposée, mais ça aussi, être parent, je pense que ça exige... Alors, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et je pense que le premier devoir, c'est d'écouter et d'instaurer la confiance avec l'enfant pour qu'il puisse avoir cet espace de parole au moment où il en a besoin. Après, il y a tout le personnel enseignant, là aussi. Et puis, il y a aussi... Alors, c'est plus compliqué, parce qu'en général, les enfants vont chez le médecin ou chez le pédiatre avec les parents, mais le personnel soignant aussi, hein, qui sûr. Peut aussi à un moment donné aiguiller vers un psychologue, un pédopsychologue, un pédopsychiatre, s'il y a des difficultés à ce niveau-là. Et puis après il y a la justice, quand les choses, je dirais, sont plus graves, signalement au parquet, saisine d'un juge des enfants. Qui peut signaler ? En réalité, certains doivent signaler, le personnel enseignant, le personnel médical, dès lors qu'ils voient des violences, qu'elles soient physiques ou psychiques, d'un certain degré, peuvent saisir le procureur. Tout un chacun qui s'aperçoit et qui a des éléments, hein, bien évidemment. Bien il sûr, faut éviter les dénonciations calomnieuses ou les vengeances de voisinage, ça c'est clair, il faut être prudent. Mais dès lors qu'un enfant est en danger, on doit signaler la privation d'aliments. Hein. Il y a aussi des... alors ça existe encore. Comment ça pourrait être non-assistance à personne ? Bien sûr, bien sûr. Il faut, l'enfant ne peut pas de lui-même aller rédiger une lettre. Ça dépend de son âge, mais c'est pas du tout dans les réflexes des enfants. Donc en fait, c'est les ou signaux qu'il enverra. Numéro vert. Oui, il y a l'enfance maltraitée, des associations. Une question, à ton avis, est-ce que c'est véritablement exploité cette... Je pense que ça peut être un plus. Maintenant, il faut que les personnes qui reçoivent la parole soient formées. Soit formé, sûr. Parce qu'on a vu aussi les dérives. Hein. Il faut faire attention aussi, sacraliser la parole de l'enfant. On peut arriver à des dérives aussi, avec des canulars, avec des dénonciations mensongères qui font plus de mal que de bien. Donc ça, c'est vrai qu'il faut être prudent. Et il faut former, justement, le personnel à l'écoute des enfants. Ce qui fait que... D'où le rôle central, quand même, une assistante sociale. Bien sûr, une assistante sociale, un pédopsychologue, tous les travailleurs, entre guillemets, qui accompagnent le monde de l'enfant. l'enfance, oui, bien sûr. Et puis le juge des enfants, qui est là quand même en tant qu'arbitre et qui peut, comment dire, ordonner des mesures d'investigation, des mesures d'accompagnement, parce que parfois la cellule familiale... Alors quand, qui peut saisir le juge des enfants? En fait, il faut faire un signalement devant le procureur de la République, il saisira le juge des enfants. Hein, ou passer par un intervenant social qui... N'importe quel citoyen peut le faire. S'il y a une situation, encore une fois, grave et avérée, oui, maltraitance des enfants. Bien sûr, oui, parce que on n'est pas là. Oui, après, il peut y avoir un dépôt de plainte au commissariat ou à la gendarmerie, si on est témoin de simplement fait... Un signalement à l'assistante sociale qui fera le nécessaire... Qui relaiera, oui. En fait, il faut trouver les bons relais pour faire entendre la parole de l'enfant. Voilà. Mais après, décrypter la parole de l'enfant, une fois qu'on l'a entendu, il faut aussi la décrypter. Et ça, c'est une deuxième étape importante pour pouvoir ensuite aider. Parce que, donc, écouter, décrypter, alors, aider. Parle-nous un peu des médiations, puisque c'est un milieu professionnel. Alors là, on a beaucoup de médiums, enfin de travailleurs dans la médiation familiale qui se développent justement pour désamorcer des conflits. Alors on n'est pas forcément dans des cas d'enfants maltraités. Ça peut être dans le cas, par exemple, de séparation douloureuse. En général, c'est toujours douloureux, hein, faut pas minimiser, pour les enfants, de leurs parents. Donc on a l'obligation aujourd'hui d'informer l'enfant capable de discernement qu'il peut être entendu dans le cadre de la séparation, de la procédure qui concerne ses parents. Et en général, il sera entendu. Alors, il y a des auditions devant le juge aux affaires familiales où l'enfant est accompagné d'un avocat. C'est de droit. Le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur le pôle des mineurs, c'est-à-dire qu'un avocat qui est formé justement au recueillement de la parole et à l'accompagnement des mineurs. Donc, l'avocat peut servir aussi, s'il bien est sûr, formé, de relais pour cette médiation. Pas forcément pour la médiation, mais pour l'accompagnement du mineur dans le cadre d'une procédure. C'est-à-dire que l'enfant peut choisir un avocat. Alors, l'enfant, en général, justement, on lui mâche le travail. C'est-à-dire que l'enfant, lui, il n'a ni l'accès ni les moyens d'avoir l'avocat, donc c'est de droit. L'enfant qui demande, par exemple, je prends un exemple, ses parents divorcent. Il écrit au juge aux affaires familiales en demandant à être auditionné. C'est de droit. C'est-à-dire que le juge aux affaires familiales ne peut pas écarter sa demande et obligé, entre guillemets, d'interrompre la procédure pour organiser l'audition de l'enfant, soit par lui-même, juge des enfants, soit par une association spécialement formée au respect du droit des enfants et à l'accompagnement, pour pouvoir ensuite, sur la base du procès verbal, parce que ça s'appelle comme ça, un procès verbal d'audition de l'enfant, au cours duquel l'enfant a de droit un avocat qui sera rémunéré par l'État, puisque l'aide juridictionnelle est de droit, et qui sera désigné, encore une fois, par le bâtonnier sur la liste des avocats inscrits sur le pôle des mineurs. En tout cas, ça se passe comme ça. Tout à fait, je suis inscrite sur le pôle des mineurs. Et une fois qu'on a ce procès verbal d'audition, il est consultable, bien évidemment, par les parents et les avocats des parents, et le juge va s'en saisir. Non pas pour, parce que ça c'est important à dire aux enfants, c'est pas eux qui décident, on peut pas leur faire le poids de dire par exemple, si je caricature, je veux aller chez maman, je veux aller chez papa. Non, ils sont déjà suffisamment dans un conflit de loyauté, donc on leur demande leurs sentiments, et c'est le juge, avec toujours ce prisme de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui va trancher dans l'intérêt qu'il perçoit de l'enfant. Et ça permet aussi d'éviter que des enfants deviennent schizophrènes, parce qu'il y a des enfants qui développent des pathologies à force d'être en conflit de loyauté. Et c'est insidieux, parce que les parents ne s'en rendent pas compte. Les parents aiment leurs enfants, mais en cas de séparation, ils veulent bien évidemment la résidence l'un et l'autre, sauf qu'on ne peut pas faire un jugement de Salomon, pas couper l'enfant en deux. Alors, il y a techniques, il y a aussi des résidences alternées, il y a des droits de visite élargis, il y a plein de choses. L'arsenal juridique est fourni. Mais souvent, c'est la pression psychologique plus que juridique qui fait que l'enfant développe des traumatismes et sur le coup ne va rien dire. Pourquoi ? Parce qu'il aime autant son papa que sa maman. Pour lui, de dire « je vais aller chez maman ou je vais aller chez ses papas », c'est forcément à un moment donné trahir l'un ou l'autre. Et il ne veut pas. Et il ne peut pas, et ce qui est normal. Donc, d'où l'intérêt... Oui, il y a quand même des opinions, il y a quand même des tranchées chez certains adolescents. Alors, il y en a qui sont tranchés. Comme par exemple, à partir de 14 ans, qui disent « moi, je ne veux plus aller chez mon père ou je ne veux plus aller chez ma mère ». Oui, alors... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors là, ce sera toujours... Sa parole sera entendue. On indiquera toujours, ça, dans tous les jugements, sauf meilleur accord des parties. Et quand l'adolescent a des éléments pour faire en sorte que le droit de visite soit moins systématique qu'un week-end sur deux, moitié des vacances, hein, le droit de visite et d'hébergement classique, standard, on va indiquer que ce sera en fonction des souhaits de l'enfant. Et on permettra de faire un droit de visite et d'hébergement à la carte, parce que toujours pareil, dans l'intérêt de l'enfant, il vaut mieux un droit de visite peut-être un peu moins fréquent, un peu moins contraignant, mais qui tienne compte des souhaits de l'enfant pour pouvoir garder le lien, parce que ça c'est important, soit avec la mère, soit avec le père, hein. Mais ça permettra une souplesse, et ça le juge aux affaires familiales l'entend parfaitement, puisque elle tient compte souvent de l'histoire familiale, de la personnalité de l'enfant, de son souhait, et puis aussi du contexte. Il est clair que plus le contexte sera douloureux et contentieux et vindicatif entre les parents, plus les enfants souffriront, hein. Ça, il n'y a pas de... Souvent, il faut travailler sur les parents pour Le juge des affaires familiales va donc écouter l'expression non seulement des enfants, mais aussi des travailleurs sociaux qui peuvent intervenir, et puis bien sûr des avocats spécialisés. Alors, parfois, le juge aux affaires familiales confie justement à une association spécialisée ou des médiateurs familiaux, en tout cas des personnes spécialement formées. Il ou elle va déléguer l'audition de l'enfant. Alors, ça peut avoir un avantage, c'est que ce n'est pas un juge qui va entendre l'enfant, puisque les juges sont tout à fait à l'écoute et formés, mais le problème, c'est que c'est toujours un juge. Et dans la tête d'un enfant, c'est peut-être plus compliqué parfois. Il y a l'urgence, le facteur temps qui va jouer. Alors le facteur temps, oui, certes, mais en général, on prévoit des auditions dans le laps de temps de la procédure pour pas que ça retarde trop la procédure. Hein. Là, je parle... Je suppose quand même que le juge des affaires familiales est encombré de dossiers comme ça. Il y a beaucoup de dossiers, c'est clair. C'est clair que... Mais justement, c'est important... Il y a des journées dans 24 heures, comme on dit souvent. C'est sûr, mais c'est important d'entendre la parole de l'enfant. Et c'est pour ça que par rapport aux droits des enfants, il y a eu quand même une évolution par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, par exemple... On priorise quand même l'expression de l'enfant. Par exemple, avec la réforme du divorce, avec la réforme donc depuis 2017 du divorce, on peut faire un divorce par consentement mutuel sans juge. Il y a une mention spécifique dans la convention de divorce qui dit qu'il faut informer les enfants du divorce de leurs parents. Et si un enfant veut être entendu, à ce moment-là, on arrête le divorce par simple convention, donc acte d'avocat déposé chez un notaire, hein, puisque maintenant le juge n'intervient plus pour le consentement mutuel, et ça repasse devant le juge, puisque l'enfant veut être entendu. Donc il y a des cas aussi où les procédures s'arrêtent, s'interrompent pour pouvoir entendre l'enfant. Parce que dans ce divorce par consentement mutuel... Hein, qui a été instauré, puis c'est une bonne chose. Je pense, là quand même, quelque part, les droits de l'enfant peuvent être court-circuités, parce que là, bon, c'est les parents qui s'arrangent entre eux pour la garde alternée, etc. etc. C'est sûr. Mais alors là, c'est le rôle de l'avocat. On a fait un peu peser... Le domicile aussi des enfants. Oui, résidence et droits de visite d'hébergement. On a fait peser un peu sur les avocats, c'est à nous. Puisqu'il y a deux avocats obligatoires hein, maintenant, puisque avant on pouvait faire une requête conjointe avec un seul avocat devant le juge en consentement mutuel, maintenant on a deux avocats, et c'est à nous de vérifier si les intérêts des enfants ne sont pas bafoués lourde par tâche, le souhait. Il y a une grosse responsabilité. C'est pour ça, alors j'en profite pour faire un petit... On nous dit consentement mutuel, ça va plus vite, ça doit être moins cher, etc. Oui, certes, on a déjudiciarisé le consentement mutuel. Il y a des avantages en temps, mais il y a aussi, et les avocats sont soucieux de ça, une obligation, une responsabilité de l'avocat de vérifier que, justement, il n'y a pas d'atteinte aux intérêts des enfants. Est-ce que vous avez le droit, est-ce que ça vous arrive d'écouter les enfants dans ces cas-là ? Alors, en général, on évite parce que c'est compliqué. Parce que vous êtes jugé parti. C'est compliqué, on est jugé parti, ça c'est compliqué. Quand on est dans le consentement mutuel. Hein. Oui. Après, évidemment, quand on est désigné, on va recevoir l'enfant. Là aussi, c'est compliqué à dire aux parents, celui ou celle qui amène l'enfant, vous restez dans la salle d'attente. Parce que nous, le conflit des parents... quand on est avocat de l'enfant, hein, dans le cas d'une séparation, là cette fois-ci je reparle au niveau du juge, qu'on est mandaté pour aller à l'audition, accompagner l'enfant à son audition, eh bien on est obligé de recevoir l'enfant, mais seul. C'est-à-dire qu'on ne va pas entendre la version des parents. Les parents ont leurs avocats respectifs. Bien sûr. Donc nous, on doit entendre la parole de l'enfant. Et parfois, c'est difficile à faire comprendre, puisque forcément, l'enfant, il ne vient pas tout seul, hein, il n'a pas son permis de conduire. Donc, les parents l'amènent. Mais ça vous arrive dans ce cadre-là d'écouter les enfants ? Ah ben là, on écoute les enfants, on peut les recevoir évidemment avant, quand on a eu la convocation avant, il n'y a pas de souci. Et vous les recevez à huis clos. Quoi. Alors, on reçoit dans le secret professionnel de notre cabinet et seul. Et c'est vrai que là, j'insiste sur l'obligation de... Mais c'est drôlement délicat, parce qu'à un moment, vous êtes jugé parti. Là, parce non, que vous avez... on n'est que pour les enfants, justement. Vous êtes que pour les enfants, là, on n'est que pour l'enfant. Ah oui, oui, c'est pour ça qu'on ne doit pas entendre la version des parents. Et nous, on entend, on recueille la parole des enfants. Alors, c'est vrai que dans le cursus, on n'est pas très formé. C'est à nous de nous former après sur le droit des mineurs et le droit des enfants, parce qu'il y a beaucoup de psychologie. Pour avoir cet agrément. Il n'y a pas d'agrément pour nous. Ce n'est pas un agrément. Hein. On est sur le pôle mineur et on doit justifier d'un certain volume de formation concernant le droit des enfants. Mais ce n'est pas un agrément. Et comment vous recevez cette formation ? Par nous-mêmes. On paye nos formations. D'accord. Continue. On va. Alors, ça dépend. Il y a l'ERAGE, hein, l'école régionale des avocats du Grand Est, qui fait énormément de formations continues sur des thèmes parfois, justement, de droit des enfants. Après, ça peut être d'autres structures spécialisées ou pas. Mais vous devez justifier de cette formation. On doit justifier à notre bâtonnier, en principe, oui, ces formations à partir du moment où on est amené à travailler avec les enfants. Parce que c'est quand même particulier. En quelque sorte, c'est des unités de valeur, quoi. Ce n'est pas des unités de valeur, c'est des heures de formation continue, qui sont attestées. Alors, il faut que ce soit des organismes agréés, bien sûr. Agréés et sérieux, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, on a cette obligation-là. Parce que, encore une fois, la psychologie, bon, le droit, c'est une chose. Mais là, on confine, alors, dans beaucoup de domaines du droit à la psychologie. Mais là, avec les enfants, c'est encore plus flagrant. Il y a des psychologues qui interviennent dans ce type de formation. Ah oui, oui, bien sûr, des pédopsychologues, des pédopsychiatres et des gens qui travaillent avec les enfants, bien sûr. Et de même que il y a des brigades spécialisées et des officiers de police judiciaire qui se forment aussi pour recueillir, par exemple, en cas de viol, en cas de pédophilie, en cas d'inceste, de choses comme ça, bah, il faut que l'officier de police judiciaire... Alors, on voit souvent des... Comment dire Il y a très peu d'OPJ qui sont formés. Ah, il y en a, si, de plus en plus. Ah, si, de plus en plus. Si, bien sûr. Et ils ont des outils, justement, que ce soit le dessin, que ce soit la mise en situation avec des figurines, que ce soit une écoute particulière de l'enfant avec des questions croisées, des questions voilà, pour ne pas brusquer l'enfant. Si, si, il y a une vraie formation et une vraie prise de conscience, ça c'est évident. C'est rassurant d'ailleurs. Est-ce que la demande des juges des enfants, il y a des interventions de psychologues, de psycho... Alors, dans le cadre des assistances éducatives, il peut y avoir aussi, effectivement, des pédopsychologues, des pédopsychiatres, voilà. Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Le but, c'est de fédérer un petit peu tous les corps de métier qui peuvent venir au soutien de l'intérêt de l'enfant quand il est en danger. Oui. Et ça, c'est pris en charge par l'État. Alors, pour les enfants, c'est pris en charge par l'État, oui. Alors, après, vous pouvez aussi aller voir un pédopsychologue de ville. Hein. Donc là, ce ne sera pas pris en charge, bien évidemment. Parce qu'il y a des démarches en amont aussi. Quand des parents vont se séparer, il y a des parents qui parlent beaucoup et qui tiennent compte de leurs enfants. Là, non, c'est pas pris en charge par l'État. Hein. Puisque là, c'est une démarche individuelle, mais qui peut s'avérer quand même importante. Dans tous ces méandres, à qui s'adresser ? C'est peut-être le plus simple, finalement. C'est peut-être le plus facile de s'adresser directement à un avocat. Ben, il y a des associations de victimes. La plupart du temps, quand il y a des problèmes, parce qu'on a l'impression quand même que c'est très difficile d'être écouté au niveau de la justice. Alors, bien sûr, je vais prêcher pour ma paroisse. L'avocat, oui, bien sûr, peut être un relais important et efficace, mais il y a des associations de victimes aussi. Hein. Il y a beaucoup de tissus associatifs. Après, il y a la police, la gendarmerie, le procureur. Si quelqu'un va déposer une plainte, par exemple, hein, il est en possession de toute cette information, de toutes les possibilités d'expression, de médiation qu'ils peuvent trouver. En général, dès lors qu'on commence à signaler un enfant en danger, je vais être optimiste, tout se dénoue. Hein. Les gens sont comment dire, aiguillés, informés, pris en charge. On dit souvent qu'un procureur reçoit à peu près... dans les Vosges, 3000 plaintes par trimestre. Alors, comment qu'il trie tout ça ? Ah bah, c'est son travail d'instruction et effectivement de tri. Mais est-ce qu'il le fait bien ? Ah bah bien sûr, mais le problème, ah, c'est l'engorgement. Tu vas me dire que tu n'as pas apporté d'appréciation. Non, je ne vais pas critiquer le travail. Non, après, c'est le degré d'urgence, le degré de gravité, et il y a une pondération à faire, forcément. C'est pour ça que j'attire l'attention aussi sur les fausses dénonciations, les dénonciations mensongères, les vengeances. Ça, c'est inadmissible, mais comme dans tout, hein, les canulars sont toujours malvenus. Mais à partir du moment où quelqu'un s'aperçoit qu'un enfant est en danger, mais il n'y a pas à hésiter. C'est déjà, si vraiment, voilà, c'est police, gendarmerie, tout de suite. Il y aura forcément une enquête, il y aura forcément quelqu'un qui bouge, et le procureur sera informé. Donc, il faut tout de suite, bon, après, si c'est quelqu'un du milieu éducatif, associatif, sportif, dans lequel l'enfant évolue, pareil, ça peut être le professeur de musique, ça peut être, forcément que l'enseignant, on va dire, le cursus classique, ça peut être l'entraîneur n'importe de sport. N'importe quel citoyen. Quelqu'un qui s'aperçoit avec qu'un enfant est en danger, psychique ou moral, psychique, moral ou physique, je veux ou dire. Ou quelqu'un de la famille. Ou quelqu'un de la famille, ou quelqu'un, voilà, c'est le devoir de chacun, dès lors qu'un enfant ne va pas bien, un mineur ne va pas bien. En sachant qu'il faut faire la part des choses entre des dénonciations calomnieuses et puis... Voilà. Et puis effectivement, que celui qui dépose, parce qu'il y a quand même une certaine crainte de celui qui va dénoncer les choses en disant, bah oui, mais si jamais ça se retourne contre moi, etc. Mais je crois qu'il vaut mieux dénoncer quand il y a un doute. Hein, je ne parle pas des affabulateurs et des ceux-là, non. Sûr. Mais quand il y a un doute, il vaut mieux dénoncer coûte que coûte, même si l'enquête fait état d'explications, je ne sais pas, enfin en tout cas, si l'affaire se dégonfle, mais il vaut mieux dénoncer et que ça se dégonfle, plutôt que de ne pas dénoncer. Parce que ne pas dénoncer un enfant en danger, c'est gravissime. À tous les niveaux, d'ailleurs. Au niveau juridique, mais au niveau moral, à tous les niveaux. Donc, bien il sûr. Faut dénoncer. Il faut souligner quand il y a un doute, quand un enfant peut avoir... Parce que l'enfant lui-même aura du mal à parler. On s'accorde une pause musicale, et puis après, on pourra peut-être donner certaines coordonnées. Hein, tu les as peut-être pas en tête. D'accord. D'accord pour non d'associations de comment qu'on peut faire pour aider justement les enfants. pouvoir venir en aide en aide aux enfants. D'accord. Voilà. Donc on écoute l'enfant de Jeanne Masse, qui est aussi une chanson poignante sur les enfants. Enfin, moi, je l'interprète sur les enfants dans des situations de guerre. Donc, oui. Une photo trouée par des plombs, une image, celle de notre monde. des cailloux. Tu peux nous donner quelques bonnes adresses, s'il te plaît. Oui, il y a pas mal d'associations qui défendent le droit des enfants. Donc, il y en a une qui est une mine d'informations qui s'appelle Défense des enfants internationale. Je vais donner le site web. Je n'ai pas d'action chez eux, hein, c'est juste à titre informatif. C'est DEI-France.org. Il y a pas mal de choses dessus. Il y a l'association L'Enfant Bleu qui intervient, il y a l'UNICEF, bien sûr, il y a France Victime 88 qui peut intervenir également, le Défenseur des droits qui est lui aussi à même de défendre le droit des enfants, tous les travailleurs sociaux. Qui est présent à la préfecture. Qui est présent à la préfecture, oui, pardon. Et toutes les assistantes sociales, tous les travailleurs sociaux, et puis évidemment, bon, pour les dénonciations, le procureur de la République, palais de justice, tribunal de grande instance, place Edmond-Henri à Épinal, si on veut faire des signalements d'enfants en danger, et puis toutes les gendarmeries et les commissariats de police, hein, bien évidemment. Évidemment, qui sont aussi, encore une fois, de plus en plus formés pour écouter la parole de l'enfant. Alors, sachant que toutes ces personnes-là sont souvent débordées, donc il faut quand même pouvoir avoir accès, puis insister, bien sûr, hein, si jamais vous n'avez pas une réponse immédiate. Hein. Oui, mais la situation d'urgence, celle-là sera traitée en priorité. Elle sera traitée vraiment, véritablement en urgence. Bien sûr, oui, bien sûr. Il y a quand même aujourd'hui des cellules spécialisées qui permettent de prendre en charge un enfant qui est violé au sein même de sa famille. Ah oui, il ne faut pas attendre des mois avant de pouvoir faire cesser le crime, parce que c'est un crime. Il y a eu quand même une évolution positive au cours des années. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est comme dans tout, hein, dans les droits de l'homme en général, mais dans les droits de l'enfant aussi. Mais je pense qu'il faut être optimiste